Oh, et ouais, faut que je me taille. J'ai bu le verre trop, les problèmes ont pris le dessus. Oh, c'est l'hiver, ricaille. En plus, j'ai les crocs, les poteaux, je compte plus dessus. Elle fait pas ci, elle veut pas ça. Elle veut le Bugatti, elle veut pas le Clarsa. Elle dit que je la tire, elle veut pas que moi. Elle fait trop la fille, tu manquais pas ça. Elle fait pas ci, elle veut pas ça. Elle veut le Bugatti, elle veut pas le Clarsa. Elle dit que je la tire, elle veut pas que moi. Elle fait trop la fille, tu manquais pas ça. J'fumais ma beuh et elle m'a mis dedans. J'traîne avec tout le monde, des paillots, des brigands. J'ai fait une connerie, je me suis vu dedans. J'ai fait mes valises quand j'étais à bout. Traîne tranquille, ma traque sous le manteau. Et j'manquille un verre, c'est pas de l'eau. Et va franco, l'eau, j'te parle franco. Oh, et ouais, faut que je me taille. J'ai bu le verre trop, les problèmes ont pris le dessus. Oh, c'est l'hiver, ricaille. En plus, j'ai les crocs, les poteaux, je compte plus dessus. Elle fait pas ci, elle veut pas ça. Elle veut le Bugatti, elle veut pas le Clarsa. Elle dit que je la tire, elle veut pas que moi. Elle fait trop la fille, tu manquais pas ça. Elle fait pas ci, elle veut pas ça. Elle veut le Bugatti, elle veut pas le Clarsa. Elle dit que je la tire, elle veut pas que moi. Elle fait trop la fille, tu manquais pas ça. La vie dans la street, si tu fais pas de sous sur ma vie, c'est moi le top. Il te fait trop le ton, y'a des armes et des petits fous qui s'en servent tôt. Elle a fait la pute, elle devait se marier bientôt. T'as vu, je pardonne, tu lâches, je dis rien, mais gros, je retiens tout. T'as l'empire, la bague, tout d'appart, j'ai tout. On fait nos sous discrètement, c'est des skugs, il faut se rabbi, comprennent tout. On va se donner à fond, et ouais, faut qu'on prenne tout. Qu'on marque des putes, eux ils partent en bocaux sur le bentouche. Et ouais, faut que je me taille. J'ai bu le verre trop, les problèmes ont pris le dessus. Oh, c'est l'hiver, ricaille. En plus, j'ai les crocs, les poteaux, je compte plus dessus. Elle fait pas ci, elle veut pas ça. Elle veut